boulette, au nom d'Ali il boulette. Le parent de la mec il boulette. Voilà il boulette les gars. Wallah il boulette. Voilà, une boulette, les gars. Voilà, une boulette.